Avant, on m'a offert. Qaddamu li. Écoutez et répétez. On m'a offert une belle montre. Qaddamu li sa'a jamila. On m'a réglé toute la somme. Dafa'u li kull al-mablagh. On m'a invité avec ma femme. Da'uni ma'a zawjati. On m'a promis une réponse rapide. Wa'aduni bi jawab sari'. On l'a conduit directement à l'hôtel. Qaduhu mubasharatan ila al-funduq. On parle anglais ici. هنا نتكلم الإنجليزية. On lui a proposé un nouveau travail. عرض عليه عمل جديد. On l'a transporté à l'hôpital. نقل إلى المستشفى. Son frère a été tué dans un accident. قتل أخوه في حادث. Il est né en 1960. Sa voiture a été volée il y a une semaine. Sayyaratuhu suriqat mundu usbu'. Il a été vu pour la dernière fois dimanche dernier. Shuhida akhir marra al-ahad al-madi. Le contrat a été signé ce matin. وقع العقد هذا الصباح. Ce problème doit être résolu. هذه المشكلة يجب أن تحل. Répondez quand on vous interroge. أجب عندما تسأل. Ma voiture a été réparée par mon voisin. سيارتي صلحها جاري. Ce roman a été écrit par un grand écrivain. هذه الرواية ألفها كاتب كبير. Nous serons reçus par le directeur à midi. سيستقبلنا المدير ظهرا. On ne peut pas réparer cette montre. هذه الساعة لا تصلح. On ne peut pas ouvrir cette porte. هذا الباب لا ينفتح. Cela ne se fait pas. هذا لا يجوز.